j'aimais partir, j'aimais courir, mais quand tu viens, je veux rester. Là, je suis sincère, je veux mourir, si tu ne veux pas, moi, je... Là, tu es né pour être à moi, et j'espère que tu y crois, nous serons ensemble chaque jour. Je t'ai

Le Taratata de 1994, Johnny Defant, album Rough Town. Voici le titre qu'a élu à écrire Robin Le Mesurier, Full for the Blues. Vous écoutez RIG et l'émission Johnny de AZ. can see it in your smile. Oh, it's like a drug now. You're addicted to the blues. Always getting high. Ooh, nice and time you're here. Those bitter words, how they hurt me, baby. But did someone hurt you bad? Shoulder Excellente Taratata de 1994. Alors, je ne sais pas si vous faites comme moi, mais moi, je m'amuse à synchroniser carrément, hein, sur mon téléphone, la vidéo avec ce que j'écoute dans mon petit casque. Et vraiment, c'est excellent. Envie de revoir à nouveau ce Taratata. Attention, Johnny retrouve un ancien membre des Blackbirds, Mickey Jones, qui est devenu, bah oui, toujours Mickey Jones, mais au sein des Foreigners. Avec ce titre de Jimi Hendrix, Hey Joe. We'll be right back. Shut your woman down.